C'est l'invité explosif. Et notre invité depuis le début de l'émission, c'est Julien Lamassonne. C'est ça. Alors, tu viens nous parler du spectacle musical. La légende, c'est ça. Je crois que c'était juste le roi Arthur. La légende du roi Arthur. Alors, je viens pas que vous parler de ça, mais ouais, en ce moment, je suis là-dessus. Qui est en tournée dans toute la France. C'est ça. Là, on a 3 semaines de vacances. Ils appellent ça des vacances. et on reprend le 13 mai à Nice, je crois. Tu vas être bronzé, donc. C'est possible. Il va être bronzé 3, même. Je sais pas s'il va y avoir du soleil ou pas, mais ouais, on est en tournée depuis janvier. Ça se passe très, très bien. Voilà. Bon, tant mieux. Les gens ont l'air contents. Les salles sont remplies, voilà. Bah, tant mieux. Oui, bah, oui, ça, c'est surtout, oui. Et tu es également réalisateur d'une web série. Oui, alors qu'on tourne justement pendant les week-ends où on est avec le roi Arthur, avec mes copains David Alexis et Yamin Dib. Ils ont créé une série qui s'appelle C'est pas la bonne. Mmh. Et moi, j'avais un appareil photo qui filme. Et j'ai dit, moi, les mecs. Je peux vous aider, et donc je suis devenu réalisateur du truc. Et voilà, on se prend pas trop la tête, on essaie de faire ça bien. C'est souvent à l'arrache, mais ça c'est souvent jusqu'à 3 du mat aussi. on voit pas trop la tête non plus d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'en fait c'est fait exprès, ils sont dit on va faire ça à l'arrache, donc on va se mettre de dos. Voilà, exactement. Non, mais donc c'est super cool, c'est super sympa. Et voilà. Et on peut retrouver cette web série sur YouTube. Il y a une page YouTube. Ouais, il y a une page YouTube, il y a une page Facebook. Tout ça, c'est géré par l'un des producteurs, Douglas Lemenu. D'accord. Voilà. Et il y a combien d'épisodes de cette web série ? Alors pour l'instant, on en est à 5. Alors, comme on part en vacances, on va diffuser un demi-épisode. C'est un truc un peu spécial. Une pastille demain, parce que c'est tous les samedis à 15h. Ça s'appelle Cépal. non, mais voilà, donc c'est. On n'a pas. Comme c'est souvent à l'arrache, on n'a pas d'épisodes d'avance, donc il faut qu'on se dépêche. On en a quelques-uns là, mais ils sont pas encore tout à fait prêts. Bah, dépêchez-vous, les voilà. C'est ça, en fait. C'est vite là, demain à 15h. Non, mais donc voilà, donc demain à 15h, il y aura bien quelque chose. Ah. C'est une petite surprise, voilà. C'est un truc. Ah. Ce sera inhabituel, en fait. Ce sera pas un épisode comme d'habitude. Voilà. Et tu es venu dans Pantoufles Explosives avec un morceau qui s'appelle Nos Jours Sombres. Nos journées sombres, ouais, exactement. Nos journées jours. Ouais, non, c'est pareil en même temps. Et ouais. Alors, j'ai vu que tu faisais paroles, musique, arrangement, réalisation, basse, guitare. Ouais, je fais tout. C'est pour pas payer les musicos ? C'est la mort. Non, ça s'appelle le home studio. C'est ça s'appelle le non-produit. Non producteur, donc voilà. Ah, non, mais ça fait partie des nombreuses maquettes que je fais et que j'ai faites. Et voilà, avec les home studio maintenant, on peut faire des maquettes plutôt bien, bien propres. Voilà, donc ça fait partie des morceaux que j'aime particulièrement en ce moment. Et on peut retrouver ça sur ton site julienlamassonne.com, tout simplement. Et ben on va s'écouter ça. C'est parti. On tourne en rond dans le noir, on marche à tâtons tous les soirs, sur lequel de nos démons allons-nous encore tomber? Et quel bonheur allons-nous encore manquer? Ne restons pas fidèles à nos principes. Et qu'une révolution nous incite à vivre mieux et plus heureux. Et à vivre mieux et plus heureux. de 18h à 19h, c'est Pantoufles Explosives.